Chapitre 3. Chevalier de Calatrave et de Saint-Jacques de l'Épée, en Espagne. La chevalerie faisait au centre de l'Europe les mêmes progrès qu'aux deux extrémités de cette partie du monde. Vers l'an 1147, Alphonse le Batailleur, roi de Castille, enlève aux morts la place de Calatrave, en Andalousie. 8 ans après, les morts se préparent à la reprendre sur Don Sanche, successeur d'Alphonse. Don Sanche, effrayé de ce dessein, fait publier qu'il donne la place à quiconque voudra la défendre. Personne n'ose se présenter, hors un bénédictin de l'ordre de Cîteaux, Don Didache Velasquez, et Raymond, son abbé. Ils se jettent dans Calatrave avec les paysans et les familles qui dépendaient de leur monastère de Fitero. Ils font prendre les armes aux frères Convert et fortifient la ville menacée. Les morts, étant informés de ces préparatifs, renoncent à leur entreprise. La place demeure à l'abbé Raymond, et les frères Convert se changent en chevaliers du nom de Calatrava. Ces nouveaux chevaliers firent dans la suite plusieurs conquêtes sur les morts de Valence et de Jaren, Favera, Maella, Macalon, Valdertormo, La Fresueda, Valderrobes, Calenda, Aquaviva, Ospipa, tombèrent tour à tour entre leurs mains. Mais l'ordre reçut un échec irréparable à la bataille d'Alarcos, que les morts d'Afrique gagnèrent en 1195 sur le roi de Castille. Les chevaliers de Calatrave y périrent presque tous avec ceux d'Alcantara et de Saint-Jacques de l'Épée. Nous n'entrerons dans aucun détail touchant ces derniers qui eurent aussi pour but de combattre les morts et de protéger les voyageurs contre les incursions des infidèles. Il suffit de jeter les yeux sur l'histoire à l'époque de l'institution de la chevalerie religieuse pour reconnaître les importants services qu'elle a rendus à la société. L'ordre de Malte, en Orient, a protégé le commerce et la navigation renaissante et a été pendant plus d'un siècle le seul boulevard qui empêcha les Turcs de se précipiter sur l'Italie. Dans le Nord, l'ordre teutonique, en subjuguant les peuples errants sur les bords de la Baltique, a éteint le foyer de ces terribles éruptions qui ont tant de fois désolé l'Europe. Il a donné le temps à la civilisation de faire des progrès et de perfectionner ces nouvelles armes qui nous mettent pour jamais à l'abri des Alaric et des Attila. Ceci ne paraîtra point une vaine conjecture si l'on observe que les courses des Normands n'ont cessé que vers le Xe siècle, et que les chevaliers teutoniques, à leur arrivée dans le Nord, trouvèrent une population réparée et d'innombrables barbares qui s'étaient déjà débordés autour d'eux. Les Turcs descendants de l'Orient, les Livoniens, les Prussiens, les Poméraniens, arrivant de l'Occident et du Septentrion, auraient renouvelé dans l'Europe, à peine reposée, les scènes des Huns et des Goths. Les chevaliers teutoniques rendirent même un double service à l'humanité, car, en domptant des sauvages, ils les contraignirent de s'attacher à la culture et d'embrasser la vie sociale. Christburg, Bartenstein, Wissembourg, Wessel, Bromberg, Thorn, la plupart des villes de la Prusse, de la Courlande et de la Sémigalie furent fondées par cet ordre militaire religieux. Et tandis qu'il peut se vanter d'avoir assuré l'existence des peuples de la France et de l'Angleterre, il peut aussi se glorifier d'avoir civilisé le nord de la Germanie. Un autre ennemi était encore peut-être plus dangereux que les Turcs et les Prussiens, parce qu'il se trouvait au centre même de l'Europe. Les morts ont été plusieurs fois sur le point d'asservir la chrétienté, et quoique ce peuple paraisse avoir eu dans ses mœurs plus d'élégance que les autres barbares, il avait toutefois dans sa religion, qui admettait la polygamie et l'esclavage, dans son tempérament despotique et jaloux, il avait, disons-nous, un obstacle invincible aux lumières et au bonheur de l'humanité. Les ordres militaires de l'Espagne, en combattant ses infidèles, ont donc, ainsi que l'ordre teutonique et celui de Saint-Jean de Jérusalem, prévenu de très grands malheurs. Les chevaliers chrétiens remplacèrent en Europe les troupes soldées et furent une espèce de milice régulière qui se transportait où le danger était le plus pressant. Les rois et les barons, obligés de licencier leurs vassaux au bout de quelques mois de service, avaient été souvent surpris par les barbares. Ce que l'expérience et le génie des temps n'avaient pu faire, la religion l'exécuta. Elle associa des hommes qui jurèrent, au nom de Dieu, de verser leur sang pour la patrie. les chemins devinrent libres, les provinces furent purgées des brigands qui les infestaient, et les ennemis du dehors trouvèrent une digue à leur ravage. On a blâmé les chevaliers d'avoir été chercher les infidèles jusque dans leur foyer. Mais on n'observe pas que ce n'était, après tout, que de justes représailles contre des peuples qui avaient attaqué les premiers, les peuples chrétiens. Les morts que Charles Martel extermina justifient les croisades. Les disciples du Coran sont-ils demeurés tranquilles dans les déserts de l'Arabie, et n'ont-ils pas porté leurs lois et leurs ravages jusqu'aux murailles de Delhi et jusqu'aux remparts de Vienne? Il fallait peut-être attendre que le repaire de ces bêtes féroces se fût rempli de nouveau, et parce qu'on a marché contre elles sous la bannière de la religion, l'entreprise n'était ni juste ni nécessaire. Tout était bon, Teutates, Odin, Allah, pourvu qu'on n'eût pas Jésus-Christ. Chapitre 4. Vie et mœurs des chevaliers. Les sujets qui parlent plus à l'imagination ne sont pas les plus faciles à peindre, soit qu'ils aient dans leur ensemble un certain vague plus charmant que les descriptions qu'on en peut faire, soit que l'esprit du lecteur aille toujours au-delà de vos tableaux. Le seul mot de chevalerie, le seul nom d'un illustre chevalier, est proprement une merveille que les détails les plus intéressants ne peuvent surpasser. Tout est là-dedans, depuis les fables de l'Arioste jusqu'aux exploits des véritables paladins, depuis le palais d'Alcine et d'Armide jusqu'aux tourelles de Keuvre et d'Anet. Il n'est guère possible de parler, même historiquement, de la chevalerie sans avoir recours aux troubadours qui l'ont chantée. Comme on s'appuie de l'autorité d'Homère en ce qui concerne les anciens héros, c'est ce que les critiques les plus sévères ont reconnu. Mais alors on a l'air de ne s'occuper que de fiction. Nous sommes accoutumés à une vérité si stérile que tout ce qui n'a pas la même sécheresse nous paraît mensonge. Comme ces peuples nés dans les glaces du pôle, nous préférons nos tristes déserts à ces champs où « la terra molle et lieta et dilettosa simili a segli habitator produce ». L'éducation du chevalier commençait à l'âge de 7 ans. Du Guesclin, encore enfant, s'amusait, dans les avenues du château de son père, à représenter des sièges et des combats avec des petits paysans de son âge. On le voyait courir dans les bois, lutter contre les vents, sauter de larges fossés, escalader les ormes et les chênes, et déjà montrer dans les landes de la Bretagne le héros qui devait sauver la France. Bientôt, on passait à l'office de page ou de damoiseau dans le château de quelques barons. C'était là qu'on prenait les premières leçons sur la foi gardée à Dieu et aux dames. Souvent, le jeune page y commençait pour la fille du Seigneur une de ces durables tendresses que des miracles de vaillance devaient immortaliser. De vastes architectures gothiques, de vieilles forêts, de grands étangs solitaires nourrissaient, par leur aspect romanesque, ces passions que rien ne pouvait détruire et qui devenaient des espèces de sorts et d'enchantements. Excité par l'amour au courage, le page poursuivait les mâles exercices qui lui ouvraient la route de l'honneur. Sur un coursier indompté, il lançait, dans l'épaisseur des bois, les bêtes sauvages, où, rappelant le faucon du haut des cieux, il forçait le tyran des airs à venir, timide et soumis, se poser sur sa main assurée. Tantôt, comme Achille enfant, il faisait voler des chevaux sur la plaine, s'élançant de l'un à l'autre, d'un saut franchissant leurs croupes ou s'asseyant sur leur dos. Tantôt, ils montaient tout armés jusqu'au haut d'une tremblante échelle et se croyaient déjà sur la brèche, criant « Montjoie et Saint-Denis !» Dans la cour de son baron, il recevait les instructions et les exemples propres à former sa vie. Là se rendaient sans cesse des chevaliers connus ou inconnus qui s'étaient voués à des aventures périlleuses, qui revenaient seuls des royaumes du Cathay, des confins de l'Asie et de tous ces lieux incroyables où il redressait les torts et combattait les infidèles. « On véoua, dit Froissart, parlant de la maison du duc de Foix, on véoua en la salle, en la chambre, en la cour, chevaliers et écuyers d'honneur, aller et marcher, et les hoyait-on parler d'armes et d'amour. Tout honneur et toi là, dedans, trevé, toute nouvelle, de quelque pays, nœud de quelque royaume que ce fût, là-dedans on y apprenoit, car de tout pays, par la vaillance du Seigneur, elles y venoient. » Au sortir de page, on devenait écuyer, et la religion présidait toujours à ces changements. de puissants parrains ou de belles marraines promettaient à l'autel pour le héros futur religion, fidélité et amour. Le service de l'écuyer consistait en paix à trancher à table, à servir lui-même les viandes comme les guerriers d'Homère, à donner à laver aux convives. Les plus grands seigneurs ne rougissaient point de remplir ces offices. À une table devant le roi, dit le sire de Joinville, mangeoit le roi de Navarre, qui moult étoit paré et a orné de draps d'or, en côte et mantelle, la ceinture, le fermail et chapelle d'or fin, devant lequel je tranchois. L'écuyer suivait le chevalier à la guerre, portait sa lance et son haume élevé sur le pommeau de la selle, et conduisait ses chevaux en les tenant par la droite. Quand il entra dans la forêt, il rencontra quatre écuyers qui menoient quatre blancs dextriers en dextre. Son devoir, dans les duels et batailles, était de fournir des armes à son chevalier, de le relever quand il était abattu, de lui donner un cheval frais, de parer les coups qu'on lui portait, mais sans pouvoir combattre lui-même. Enfin, lorsqu'il ne manquait plus rien aux qualités du poursuivant d'armes, il était admis aux honneurs de la chevalerie. Les lices d'un tournoi, un champ de bataille, le fossé d'un château, la brèche d'une tour, étaient souvent le théâtre honorable où se conférait l'ordre des vaillants et des preux. Dans le tumulte d'une mêlée, de braves écuyers tombaient aux genoux du roi ou du général, qui les créait chevaliers en leur frappant sur l'épaule trois coups du plat de son épée. Lorsque Bayard eut conféré la chevalerie à François Ier, « Tu es bien heureuse, dit-il en s'adressant à son épée, d'avoir aujourd'hui à un si beau et si puissant roi donné l'ordre de la chevalerie. Certes, ma bonne épée, vous serez comme relique gardée, et sur tout autre honorée. » Et puis, ajoute l'historien, fit deux sauts, et après remit au fourreau son épée. À peine le nouveau chevalier jouissait-il de toutes ses armes qu'il brûlait de se distinguer par quelques faits éclatants. Il allait par monts et par veaux, cherchant périls et aventures. Il traversait d'antiques forêts, de vastes bruyères, de profondes solitudes. Vers le soir, il s'approchait d'un château dont il apercevait les tours solitaires. Il espérait achever dans ce lieu quelque terrible fait d'armes. Déjà, il baissait sa visière et se recommandait à la dame de ses pensées, lorsque le son d'un cor se faisait entendre. Sur les fêtes du château s'élevait un aume, enseigne éclatante de la demeure d'un chevalier hospitalier. Les ponts-levis s'abaissaient, et l'aventureux voyageur entrait dans ce manoir écarté. S'il voulait rester inconnu, il couvrait son écu d'une housse, ou d'un voile vert, ou d'une guimpe plus fine que fleur de lys. Les dames et les damoiselles s'empressaient de le désarmer, de lui donner de riches habits, de lui servir des vins précieux dans des vases de cristal. Quelquefois, il trouvait son hôte dans la joie. Le seigneur, à manieux des escasses, au sortir de table, étant l'hiver auprès d'un bon feu, dans la salle bien jonchée ou tapissée de nattes, ayant autour de lui ses écuyers, s'entretenait avec eux d'armes et d'amour, car tout dans sa maison, jusqu'au dernier varlet, se mêlait d'aimer. Ces fêtes de château avaient toujours quelque chose d'énigmatique. C'était le festin de la licorne, le vœu du paon ou du faisan. On y voyait des convives non moins mystérieux, les chevaliers du cygne, de l'écu blanc, de la lance d'or, du silence. Guerriers qui n'étaient connus que par les devises de leurs boucliers et par les pénitences auxquelles ils s'étaient soumis. Des troubadours ornés de plumes de paon entraient dans la salle vers la fin de la fête et chantaient des lais d'amour. Armes, amour, déduit, joie et plaisance, espoir, désir, souvenir, ardemment, jeunesse, aussi manière et contenance, humble regard, très amoureusement, gens, corps, joli, paré très richement, avisé bien cette saison nouvelle, le jour de mai, cette grande fête est belle, qui par le roi se fait à Saint-Denis, a bien jouté, gardez votre querelle, et vous serez honoré et chéri. Le principe du métier des armes chevaleresques était « grand bruit au champ et grand joie au logis ». Bruit est-ce champ et joie à l'hostel. Mais le chevalier arrivé au château n'y trouvait pas toujours des fêtes. c'était quelquefois l'habitation d'une piteuse dame qui gémissait dans les fers d'un jaloux. Le bio-sire, noble, courtois et preux, à qui l'on avait refusé l'entrée du manoir, passait la nuit au pied d'une tour, d'où il entendait les soupirs de quelque Gabriel qui appelait en vain le malheureux Coucy. Le chevalier, aussi tendre que brave, jurait par sa Durandal et son Aquilin, sa fidèle épée et son coursier rapide, de défier en combat singulier le félon qui tourmentait la beauté contre toute loi d'honneur et de chevalerie. S'il était reçu dans ces sombres forteresses, c'était alors qu'il avait besoin de tout son grand cœur. Des varlets silencieux, au regard farouche, l'introduisaient par de longues galeries à peine éclairées dans la chambre solitaire qu'on lui destinait. C'était quelque donjon qui gardait le souvenir d'une fameuse histoire. On l'appelait la chambre du roi Richard ou de la dame de sept tours. Le plafond en était marqueté de vieilles armoiries peintes et les murs couverts de tapisseries à grands personnages qui semblaient suivre des yeux le chevalier et qui servaient à cacher des portes secrètes. Vers minuit, on entendait un bruit léger. Les tapisseries s'agitaient, la lampe du paladin s'éteignait, un cercueil s'élevait auprès de sa couche. La lance et la masse d'armes étant inutiles contre les morts, le chevalier avait recours à des vœux de pèlerinage. Délivré par la faveur divine, il ne manquait point d'aller consulter l'ermite du rocher, qui lui disait « Si tu avais autant de possessions comme en avait le roi Alexandre, et de sens comme le sage Salomon, et de chevalerie comme le preux Hector de Troie, seul orgueil, s'il régnait en toi, détruirait tout. » Le bon chevalier comprenait, par ces paroles, que les visions qu'il avait eues n'étaient que la punition de ses fautes, et il travaillait à se rendre sans peur et sans reproche. Ainsi, chevauchant, il mettait à fin par 100 coups de lance toutes ces aventures chantées par nos poètes et recordées dans nos chroniques. Il délivrait des princesses retenues dans des grottes, punissait des mécréants, secourait les orphelins et les veuves, et se défendait à la fois de la perfidie des nains et de la force des géants. Conservateur des mœurs comme protecteur des faibles, quand il passait devant le château d'une dame de mauvaise renommée, il faisait aux portes une note d'infamie. Si, au contraire, la dame de Séan avait bonne grâce et vertu, il lui criait « Ma bonne amie !» ou « Ma bonne dame !» ou « Damoiselle !» Je prie à Dieu que, en ce bien et en cet honneur, il vous veuille maintenir au nombre des bonnes, car bien devez être loué et honoré. L'honneur de ces chevaliers allait quelquefois jusqu'à cet excès de vertu qu'on admire et qu'on déteste dans les premiers Romains. Quand la reine Marguerite, femme de Saint-Louis, apprit à Damiette, où elle était près d'accoucher, la défaite de l'armée chrétienne et la prise du roi, son époux, elle fit Vuidier hors toute sa chambre, dit Joinville, fort le chevalier, un chevalier âgé de 80 ans, et s'agenouilla devant lit et lit requit un don. Et le chevalier l'y otria par son serment. Elle y dit « Je vous demande, fit-elle, par la foi que vous m'avez baillée, que ce les Sarrasins prennent cette ville, que vous me copez la teste, avant qu'ils me prennent. » Et le chevalier répondit « Soyez certaine que je le ferai volontiers, car je la vois déjà bien en pensée, que vous oxyroi avant qu'ils vous eussent prince. » Les entreprises solitaires servaient aux chevaliers comme d'échelons pour arriver au plus haut degré de gloire. Averti par les ménestriers des tournois qui se préparaient au gentil pays de France, il se rendait aussitôt au rendez-vous des braves. Déjà les lys sont préparés. Déjà les dames, placées sur des échafauds élevés en forme de tour, cherchent des yeux les guerriers parés de leurs couleurs. Des troubadours vont chantant, servant d'amour, regardés doucement, aux échafauds, anges de paradis, l'or jousterait fort et joyeusement, et vous serez honorés et chéris. Tout à coup un cri s'élève, « Honneur au fils des preux !» Les fanfares sonnent, les barrières s'abaissent, 100 chevaliers s'élancent des deux extrémités de la lice et se rencontrent au milieu. Les lances volent en éclats, front contre front, les chevaux se heurtent et tombent. Heureux le héros qui, ménageant ses coups, et ne frappant en loyal chevalier que de la ceinture à l'épaule, a renversé sans le blesser son adversaire. Tous les cœurs sont à lui, toutes les dames veulent lui envoyer de nouvelles faveurs pour orner ses armes. Cependant, des héros crient au chevalier « Souviens-toi de qui tu es fils, et ne forligne pas !» Joutes, castilles, pas d'armes, combats à la foule, font tour à tour briller la vaillance, la force et l'adresse des combattants. 1000 cris mêlés au fracas des armes montent jusqu'aux cieux. Chaque dame encourage son chevalier et lui jette un bracelet, une boucle de cheveux, une écharpe. Un sergine, jusqu'alors éloigné du champ de la gloire, mais transformé en héros par l'amour, un brave inconnu qui a combattu sans armes et sans vêtements, et qu'on distingue à sa camise sanglante, sont proclamés vainqueurs de la joute. Ils reçoivent un baiser de leur dame, et l'on crie « L'amour des dames, la mort des héros, louange et prix aux chevaliers !» C'était dans ces fêtes qu'on voyait briller la vaillance ou la courtoisie de la Trémouille, des Boussicots, de Bayard, de qui les hauts faits ont rendu probables les exploits des Perceforêts, des Lancelots et des Grandifères. Il en coûtait cher aux chevaliers étrangers pour oser s'attaquer aux chevaliers de France. Pendant les guerres de Charles VI, Sampy et Boussicot soutinrent seuls les défis que les vainqueurs leur portaient de toutes parts. Et joignant la générosité à la valeur, ils rendaient les chevaux et les armes aux téméraires qui les avaient appelés en champ clos. Le roi voulait empêcher ses chevaliers de relever le gant et de ressentir ses insultes particulières. Mais ils lui dirent « Sire, l'honneur de la France est si naturellement cher à ses enfants que si le diable lui-même sortait de l'enfer pour un défi de valeur, il se trouverait des gens pour le combattre. » Et en ce temps aussi, dit un historien, étaient chevaliers d'Espagne et de Portugal, dont 3 de Portugal, bien renommés de chevalerie, prindre, par je ne sais quel folle entre princes, champ de bataille, en contre 3 chevaliers de France. Mais, en bonne vérité de Dieu, ils ne mirent pas tant de temps à aller de la porte Saint-Martin à la porte Saint-Antoine à cheval que les Portugallois ne fussent déconfits par les 3 François. Les seuls champions qui pussent tenir devant les chevaliers de France étaient les chevaliers d'Angleterre. Ils avaient de plus pour eux la fortune, car nous nous déchirions alors de nos propres mains. La bataille de Poitiers, si funeste à la France, fut encore honorable à la chevalerie. Le prince noir, qui ne voulut jamais, par respect, s'asseoir à la table du roi Jean, son prisonnier, lui dit « Il m'est advis que avez grand raison de vous éliesser, combien que la journée ne soit tournée à votre gré, car vous avez aujourd'hui conquis le haut nom de prouesse, et avez passé aujourd'hui tous les mieux-faisants de votre côté. Je ne le dis mis, cher sire, pour vous louer, car tous ceux de notre patrie qui ont vœu les uns et les autres se sont par pleine conscience à ceux accordés, et vous en donnent le prix et chapelet. » Le chevalier de Ribaumont, dans une action qui se passait aux portes de Calais, abattit 2 fois à ses genoux Édouard III, roi d'Angleterre. Mais le monarque, se relevant toujours, força enfin Ribaumont à lui rendre son épée. Les Anglais, étant demeurés vainqueurs, rentrèrent dans la ville avec leurs prisonniers. Édouard, accompagné du prince de Galles, donna un grand repas au chevalier français, et s'approchant de Ribaumont, il lui dit « Vous êtes le chevalier au monde que je visse onc plus vaillamment assaillir ses ennemis. A donc, prince, le roi son chapelet qu'il portait sur son chef, qui était bon et riche, et le mit sur le chef de Monseigneur Eustache, et dit « Monseigneur Eustache, je vous donne ce chapelet pour le mieux combattant de la journée. Je sais que vous êtes gai et amoureux, et que volontiers vous trouverez entre dames et damoiselles. Si, dites partout où vous irez que je le vous ai donné. Si vous quittez votre prison, vous en pouvez partir demain, s'il vous plaît. » Jeanne d'Arc ranima l'esprit de la chevalerie en France. On prétend que son bras était armé de la fameuse joyeuse de Charlemagne, qu'elle avait retrouvée dans l'église Sainte-Catherine de Fierbois, en Touraine. Si donc nous fûmes quelquefois abandonnés de la fortune, le courage ne nous manqua jamais. Henri IV, à la bataille d'Ivry, criait à ses gens qui pliaient « Tournez la tête, si ce n'est pour combattre, du moins pour me voir mourir !» Nos guerriers ont toujours pu dire dans leur défaite ce mot, qui fut inspiré par le génie de la nation au dernier chevalier français à Pavie. « Tout est perdu, fort l'honneur !» Tant de vertus et de vaillance méritaient bien d'être honorés. Si le héros recevait la mort dans les champs de la patrie, la chevalerie en deuil lui faisait d'illustres funérailles. S'il succombait au contraire dans les entreprises lointaines, s'il ne lui restait aucun frère d'armes, aucun écuyer pour prendre soin de sa sépulture, le ciel lui envoyait pour l'ensevelir quelqu'un de ces solitaires qui habitaient alors dans les déserts et qui, sous il Libanos presso et sous il Carmelo, inae rea magion fan di Moranza. C'est ce qui a fourni au Tasse son épisode de Suénon. Tous les jours, un solitaire de la Thébaïde ou un ermite du Liban recueillait les cendres de quelques chevaliers massacrés par les infidèles. Le chantre de Solym ne fait que prêter à la vérité le langage des muses. Soudain, de ce beau globe ou de ce soleil de la nuit, je vis descendre un rayon qui, s'allongeant comme un trait d'or, vint toucher le corps du héros. Le guerrier n'était point prosterné dans la poudre, mais de même qu'autrefois, tous ses désirs tendaient aux régions étoilées. Son visage était tourné vers le ciel, comme le lieu de son unique espérance. Sa main droite était fermée, son bras raccourci, il serrait le fer dans l'attitude d'un homme qui va frapper. Son autre main, d'une manière humble et pieuse, reposait sur sa poitrine et semblait demander pardon à Dieu. Bientôt, un nouveau miracle vint attirer mes regards. Dans l'endroit où mon maître gisait étendu, s'élève tout à coup un grand sépulcre qui, sortant du sein de la terre, embrasse le corps du jeune prince, se referme sur lui. Une courte inscription rappelle au voyageur le nom et les vertus du héros. Je ne pouvais arracher mes yeux de ce monument, et je contemplais tour à tour et les caractères et le marbre funèbre. « Ici, dit le vieillard, le corps de ton général reposera auprès de ses fidèles amis, tandis que leurs âmes généreuses jouiront, en s'aimant dans les cieux, d'une gloire et d'un bonheur éternels. » Mais le chevalier, qui avait formé dans sa jeunesse ces liens héroïques, qui ne se brisaient pas même avec la vie, n'avait point à craindre de mourir seul dans les déserts. Au défaut des miracles du ciel, ceux de l'amitié le suivaient. Constamment accompagné de son frère d'armes, il trouvait en lui des mains guerrières pour creuser sa tombe et un bras pour le venger. Ces unions étaient confirmées par les plus redoutables serments. Quelquefois, les deux amis se faisaient tirer du sang et le mêlaient dans la même coupe. Ils portaient pour gage de leur foi mutuelle ou un cœur d'or ou une chaîne ou un anneau. L'amour, pourtant si cher aux chevaliers, n'avait dans ces occasions que le second droit sur leurs âmes, et l'on secourait son ami de préférence à sa maîtresse. Une chose néanmoins pouvait dissoudre ces nœuds. C'était l'inimitié des patries. Deux frères d'armes de diverses nations cessaient d'être unis dès que leur pays ne l'était plus. Hugh de Carvalet, chevalier anglais, avait été l'ami de Bertrand du Guesclin. Lorsque le prince noir eut déclaré la guerre au roi Henri de Castille, Hugh fut obligé de se séparer de Bertrand. Il vint lui faire ses adieux et lui dit « Gentil, sire, il nous convient d'espartir. Nous avons été ensemble en bonne compagnie et avons toujours eu du vôtre à nostre de l'argent en commun. S'y pense bien que j'ai plus reçu que vous, et pour ce, vous prie que nous en comptions ensemble. » « Si, dit Bertrand, ce n'est qu'un sermon, je n'ai point pensé à ce compte. Il n'y a que du bien à faire. Raison donne que vous suiviez votre maître. Ainsi le doit faire tout prud'homme. Bon amour fut l'amour de nous, et aussi en sera la despartie, dont me poise qu'il convient qu'elle soit. Lors le baisa, Bertrand, et tous ses compagnons aussi. Moult fut piteuse la despartie. Ce désintéressement des chevaliers, cette élévation d'âme qui mérita à quelques-uns le glorieux surnom de sans reproche, couronnera le tableau de leur vertu chrétienne. Ce même du Guesclin, la fleur et l'honneur de la chevalerie, étant prisonnier du prince noir, égala la magnanimité de Porus entre les mains d'Alexandre. Le prince l'ayant rendu maître de sa rançon, Bertrand l'apporta à une somme excessive. « Où prendrez-vous tout cet or ? » dit le héros anglais, étonné. « Chez mes amis. » répartit le fier connétable. « Il n'y a pas de fileresse en France qui ne fila à sa quenouille pour me tirer de vos mains. » La reine d'Angleterre, touchée des vertus de Du Guesclin, fut la première à donner une grosse somme pour hâter la liberté du plus redoutable ennemi de sa patrie. Ah, madame, s'écria le chevalier breton en se jetant à ses pieds, j'avais cru jusque-ici être le plus laid homme de France, mais je commence à n'avoir pas si mauvaise opinion de moi, puisque les dames me font de tels présents. Fin du livre cinquième.